Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damage ont le plaisir de vous présenter. Cette risale, il l'a écrit Jérôme l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, pendant la fitna des Tatars. هذا العدو المجرم qui a envahi plusieurs pays de musulmans à Tatar. Cheikhul Islam, il a écrit cette risala pour motiver les musulmans. Il a écrit cette risala pour montrer ما وقع لهم ce qui est arrivé à l'époque de Cheikhul Islam, c'est arrivé à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. ونحن cette épreuve qu'on vit مع هؤلاء الأرفاض الخبطة الضلال فمن هذا الباب من هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى يبخف سعباد يبخف أهل الحق بهؤلاء المجرمين فمن المهم أيها الطالب في هذا الحال c'est que tu saches comment le prophète عليه الصلاة والسلام s'est comporté. Tu saches أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده في هذا الحال أيها الطالب tu dois placer ta confiance en Allah عز وجل وحده. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bidammaj au Yémen. Cours numéro 4. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنكمل بإذن الله عز وجل هذه الرسالة النافع المفيد جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وقال في آخرها ثم قال تعالى أي لا يزال في تفسير سورة الأحزاب قال تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا قال فوصفهم بثلاثة أوصاف معلوم عند الجميع إن شاء الله أن سورة الأحزاب أفضح كثيرا المنافقين وهنا الله سبحانه وتعالى يذكر حال هؤلاء يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب أي إذا سبق كسي العدو كما جاء عام الخندق إذا سبق هؤلاء أن سي العدو إلي با مع الرسول عليه الصلاة والسلام بادون في الأعراب هاي سنوان يسنوان avec les bédouins avec le badou ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة هذا الدين سواجب فهؤلاء إذا أخذ لان عجيب جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي في أوساطهم شوف على مقاصد كذا قال فوصفهم بثلاثة أوصاف الله سبحانه وتعالى إلي ذا كاركتريزا avec trois choses قال أحدها أنهم لفرط خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد صحيح هذا سجبن يا خوف il est pas في موضعها ابدا tellement qu'ils ont eu peur quand ils ont été informés ان الاحزاب انصرفوا اي ذهبوا ils ont pas cruهم ils ont toujours pensé à l'homme ils sont là là ils sont partis لكن كثرة الخوف و ils ont pas de توكل على الله قال وهذه حال الجبان الذي في قلبه مرض كما تقدم أمس أنه لغمار يكوى لشوز فوس يكوى دكسي حق إسي بون أنونس بون نوفل بغل مؤمنين إلا دي دوت قال فإن قلبه يبادر إلى تصديق الخبر المخوف وتكذيب خبر الأمن هكذا القلب المريض toutes les informations qui rassurent le mu'minin, qui sont fondées, il va douter. Ah oui, il va mettre des doutes, fiyad al-khabar. Quand c'est du kadhib, et c'est un kalam ba'id, et c'est un kalam, il fait que du mal. Il fait que du mal, le propager c'est que du mal. Enfin, tu le trouves, c'est awwal man yusaddiq hadha al-khabar wa awwal man yanshur. Ça, ça nous montre, comme on a expliqué Ams, at-ta'anni bi hadhihi al-ayyam, de rapporter tout ce que tu entends. La personne yata'anna. لأن كثير من الكلام ربما زيد فيه ربما الكلام il est pas fondé sur une chose solide ربما فلا personne لا يكون نقالا للأخبار ليل نهار ils ont dit ils ont fait ils vont faire j'ai entendu هذا الكلام لا يغني صاحبه ça sert à rien هذا الكلام si une bouchra rassurer ton frère إلى آخره طيب أما أحيانا des rumeurs وربما Robama, ça fait peur à certains, là, la hajj. C'est pas minan saf al-mu'minin al-salihin. Qala al-thani, deuxième caractéristique. La première donc, ils croient vos rumeurs, et quand c'est haq, quand c'est une bouchra, ben ils ont des doutes. Al-thani anna al-ahzab idha ja'u tamannaw an la yakounu baynakum, bal yakounouna fil badiyah. Et des endroits écartés de la ville. Ta'lamouna anna al-Madina, Madina de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'était entouré de Badia, des endroits écartés de la Madina. Et hal al-Badou, il est ma'rouf. Fa'a'oula, ils espéraient être hanak quand il y a eu cette fitna. Qala bal yakounouna fil Badia bayna al-A'rab yas'alouna an anba'ikum. Et de loin, ils demandent qu'est-ce qui leur est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont eu le dessus. هكذا المنافقون ثم هو يصدفت si les mu'minoun ils ont le dessus il fera apparaître l'iman si les kuffar ils ont le dessus il est مع إخوانه الكفار قال عن أنبائكم إيش خبر المدينة وإيش جرى للناس هكذا يقولون et tu le trouves s'il est في وسط المعركة مثلا كما وصفه الله سبحانه وتعالى ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. S'ils étaient avec vous, ils n'auraient pas combattu. Ou très peu. ربما يكومبات, il n'a plus le choix. Quand il est à l'extérieur, دائما الأخبار. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui se passe? لا هذا لا يليق. لا يليق لأن il ne faut pas mélanger l'âme. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont à l'extérieur ne demandent pas de nouvelles. Là, Hada, il est avec le Rasoul, mais il espère être dehors. Et quand il est dehors, il y a que c'est le minal kalam. Hada. Mais une personne qui est à l'extérieur, il ne peut pas se rendre dans le lieu pour aider ses frères. Hada, là, il prend des nouvelles et il fait dua. Qal wal wasf al-thalith. Troisième wasf. أن الأحزاب إذا أتوا وهم فيكم لم يقاتلوا إلا قليلا تقدم قال وهذه الصفات الثلاثة منطبقة على كثير من الناس في هذه الغزوة ces trois caractéristiques ils étaient très propagés à l'époque de Cheikh l'Islam quand Tatar ils sont venus et ils ont envahi l'Irak et ils ont essayé de prendre la Syrie قال كما يعرفونه من أنفسهم ويعرفه منهم قال ويعرفه منهم من خبرهم نعم هذا معروف هذا معروف هؤلاء مثل هؤلاء qui ont ces صفاتهم معروف عند الناس عند الصالحين في الحقيقة ils font du mal qu'à eux-mêmes الله سبحانه وتعالى ينصر دينه avec ou sans هؤلاء ثم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ثم الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب après avoir cité ce qui s'est passé, ce qu'on a lu, il a démontré أن l'exemple il est في الرسول l'exemple il est في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال فأخبر سبحانه أن الذين يبتلون بالعدو كما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم فيه أسوة حسنة chaque mu'min qui se fait éprouver dans son din ou autre et se fait éprouver par des a'da il a un exemple fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa li on a choisi de lire cette risale illa li bayan hal an nabi sallallahu alayhi wa sallam dans cette fitna le sabr qu'il a eu wa al-thabat wa al-jihad tout ça bi idnillah anta c'est un exemple pour toi أما أطرق النبي عليه الصلاة والسلام تعلمون La personne, il n'est pas ma'asoum. Un tâton exemple, c'est le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, al-Qudwa, c'est lui, l'Uswa. Amma ghayruhu, faqad yusibu, qad yukhti. قال حيث أصابهم مثل ما أصابه فليتأسوا به في التوكل والصبر هذا الآن vous avez des exemples de التوكل du prophète عليه الصلاة والسلام الأحزاب اجتمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأسباب il place les femmes et les enfants dans des endroits sûrs il place le jeish ceux qui vont combattre entre une tranchée qu'ils ont creusée derrière eux la montagne et التوكل على الله ils attendent أكثر من 20 يوم 20 jours et ils sont dans cet endroit. Al-akli al-qalil, al-verd et mutawakkilin ala Allah. Ils attendent. C'est Allah subhanahu wa ta'ala yansurhum. C'est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nasrahum bil-rih. Bil-verd. Al-rih, al-verd al-shadid. Ni fulan, ni makhlouq da'ib. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi al-rih. Et al-ahzab, ils ont fait demi-tour. Fahakada nahnu. Fahakada. لا يغرك فلان أو علام فلان إلا بادي فلان إلا بابي مي بوركوا فلان إلا بابوجي هذا سيبا إليك أنت توكل على الله حتى يأتي النصر ربما يأتي النصر دون شوز كي تأتي با ربما تأتي دون شوز اتسبغي كي فلان أو تل كوتي سابوج ربما ما يحصل شيء ربما ينوت شوز تأتي با الله سبحانه وتعالى يجعل النصر فيها ça c'est استفدناه من هنا كذلك الصبر الصبر الخوف يحصل la personne c'est un être humain الورد كذلك الجوع كذلك الظلم ظلم الاعداء على الابرياء c'est شديد على النفس اي t'as rien demandé t'as rien fait de mal وهذا العدو يفيد tout pour t'éliminer يحتاج الى الصبر والظلم اللي فوق راسه قال عز وجل وقد خاب من حمل الظلم وقد خاب من حمل الظلم plus tu vois ou t'entends ou t'apprends que l'adou il fait du zulm sache que la victoire elle est proche لأن هذا الظلم خلاص c'est contre lui c'est le début du nasr pour toi لأن الله سبحانه وتعالى il déteste الظالمين حرم الظلم على نفسه عز وجل فما بالك عبد حقير الظالم الحرف Il fait du zulm. Les salihin. C'est le début de sa fin. Isbir, faqat. Qala, wa la yadhunnun anna hadhihi niqamun li sahibiha wa ihanatun lah abadan. Abadan. Anna ces attaques, ce zulm du adou, la tadhun abadan, abadan. Annahu c'est une niqma, un châtiment. Ou annahu c'est un ihana, c'est pour rabaisser al-mu'min, abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne donnera jamais le dessus à ses ennemis, ennemis du Rasul, ennemis de Sahaba, ennemis de Jibril, ennemis du Coran, il leur donnera le dessus sur ses ibad al-mu'minin al-salihin. Abadan, ça c'est un dhan siyye jiddan. Awad al-nas, ils pensent une uquba. Comme tu l'entends l'an. Ils sont attaqués parce qu'ils ont fait kada, parce que kada c'est leur injustice. Et il oublie l'injustice des autres. Et oublie l'injustice des autres. Na'oudou billahi min al-khudla. Hadi, au contraire, c'est une. C'est Allah subhanahu wa ta'ala arada araf' al-maka. Araf' al-hada al-makan wa araf' ahla. Et des choses que la na'alamouha. Amma croire que c'est une ihana. Abadam. Ça, c'est un don sayyi. Qala fa innahu law kana kadhalik mabtulya biha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam khayrul khala'iq. Si à chaque fois qu'un adou il attaque des musulmans, c'est une ihana pour eux ou c'est de leur faute, فكيف النبي صلى الله عليه وسلم il a été attaqué? خير الناس خير البشر سيد ولد آدم يوم القيامة il a été attaqué عليه الصلاة والسلام. Ils lui ont fait un blocus. Est-ce que ça montre qu'ils étaient à la حق نعوذ بالله أبدا ابتلاء ابتلاء ولا شك أن الذنوب فينا notre époque نحن الذنوب حاصلة لا شك أن المصائب قد تحصل بسبب الذنوب لكن croire que c'est une ihana totale et il mérite أبدا المؤمن في des péchés كما قال الله سبحانه وتعالى تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني وأنا أغفر الذنوب جميعا قال عز وجل فالمؤمن إلى التواب il fait des erreurs, il revient. Mais ha'oula, c'est des rawafid. Ha'oula, c'est des zanadiqa. Ha'oula, ils détestent ashab rasulillah. Ha'oula, minhum, ils écrasent le Coran, comme vous avez vu avec vos yeux. Ce qui s'est passé à Sa'da, quand ils ont tué certains frères. Un des frères, il avait le Coran. Wahed minhum, il vient, il y a le corps du frère. Le frère, il avait un mushaf dans sa poche. Et quand il est tombé, le mushaf, il était sur le sol. Ahad ha'oula, il vient et il l'écrase. Et ma'ada turid min ha'oula. Ma'ada turid. Tu ne peux pas comparer zalla, une faute d'un mu'min qui se repent. Il a des faiblesses, comme chaque mu'min, avec inhiraf wa dhalal al-rawafid. Ou ce qu'il dit sur sahaba, ma'rouf. Ma'rouf. Ba'duhum, le jour de leur Eid, ils prennent kalb aswad, un chien noir. Ils disent tuez-le, c'est Aïcha. Il faut labud iqamat al-had alayha. Liana ya'taqidun qu'elle a fait al-fahisha wa al-iyadu billah et elle n'a pas été jugée. Et eux ils appliquent la sentence sur ce chien qu'ils appellent Aïcha. Ada turid min haoula. Tata'adda min khudna al-ba'ad al-nas. Ahle sunna ykombat haoula. Et ka'annahu. Il fait passer l'injustice qu'il prétend de Ahl Sunnah vid Amman avec l'injustice de Rawaf. Tata'adjab. Lakin hakad al-khudlan. Celui qui ne sert pas le haq, il yubtala bi hada. Celui qui ne sert pas le haq et qui n'est pas mansif, qui n'est pas objectif, il yubtala bi hada. Tu trouves des kalam, ils sont ba'id jiddan. Wa al-muwaffaq man wafaqahu Allah. Qala. فإنه لو كان كذلك ما ابتلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلائق بل بها ينال الدرجات العالية هذا ليس كلام شغل الإسلام كلام إمام في السنة أن بهذا تنال الدرجات العالية celui qui veut الدرجات العالية c'est avec ce genre de preuve qu'Allah il est قال وبها يكفر الله الخطايا نحن on dit pas qu'il n'y a pas de ذنوب أبدا On n'est pas des sahabis, on est des masakin, du'afa. Il y a des dounoub. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, rubama cette épreuve, il t'efface ses dounoub. Rubama ça te pousse à faire tauba, à te remettre en question. Et Allah il élève le mu'min. Et le mu'min il n'est pas ma'asum. À ma prétendre que les sunnah ils sont injustes, ils sont mauvais, c'est des haddadis, c'est des kada, c'est des kada. Et khudlan, tu laisses le rawafid. Ils attaquent tes frères et yuqtaloun wa hada c'est min al-ajab. Qala wa bihadha yukaffir Allah al-khataya liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Ta'ali avec ces awsaf ils sont azima. Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir al-ikhlas. Tout ce qui fait c'est raja'an il espère la miséricorde et il espère la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas ça pour son nefs, il ne fait pas ça pour se venger, il ne fait pas ça abadan. Il fait ça liannahu c'est une ibad. كذلك المؤمن إلى هذا الوصف أنه يذكر الله كثيرا كما قال عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال وإلا فقد ابتلي بذلك من ليس كذلك فيكون في حقه عذابا كالكفار والمنافقين لأن يا كذلك دي كفار دي منافقون ils ont été éprouvés من هذا ils se font tuer ils se font envahir mais أحيانا tu trouves des guerres entre كفار قديما وحديثا فعندهم c'est pas رفع الدرجات أبدا لأنه son but c'est pas la rencontre d'Allah il a pas d'iman il a pas d'ikhlas il fait pas de dhikr c'est un kafir هذا c'est un عذاب pour lui في الدنيا قبل الآخرة قالت ثم قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هذا الآن تذكر في ces deux derniers jours c'était حال المنافقين حال المنافقين لأن الله سبحانه وتعالى il a montré أن الناس ils ont eu des ظنون Ils ont eu des dhunun, des pensées. Il a cité les pensées à Zawadel des munafiqin. Tout ce qu'on a lu. Al-an, hal al-mu'min. Quand ils ont été envahis, ils ont eu ce blocus. C'était quoi hal al-mu'min? Qala Azzawajal, wa lamma ra'a al-mu'minun al-ahzab. Quand les mu'minun, ils ont vu l'ahzab. Ils ont su qu'ils étaient entourés de toutes parts. Qalu, hadha ma wa'adana Allah wa rasul. Ça, c'est ça qui nous a promis Allah et son messager. Aïe, on va être envahis. On va être envahis. On va patienter. Et bien, là, on aura le dessus. Husnul dhan billah. Azza wa jal. قال شيخ الإسلام قال العلماء كان الله قد أنزل في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هذا الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة il a descendu ce verset. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. أي est-ce que vous pensez que vous allez rentrer dans la jannah et vous allez pas être éprouvés comme ceux qui étaient avant vous. فالآن الصحابة quand ils ont eu cette épreuve, ils ont dit c'est ça qu'Allah nous avait promis, qu'on va être éprouvés comme ceux qui sont avant nous. Et bien là on va patienter. هذا ظن المؤمن أنه sera éprouvé ويصبر. قال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله. أحيانا تلمك الفتنة الشديدة والابتلاء العظيم حتى الرسول والذين آمنوا يجيزي هذا متى نصر الله سكوك الله يبنصر هذاك حسن الظن اي باسيون لكن أحيانا الفتنة الشديدة. قال عز وجل ألا إن نصر الله قريب. نصر الله لقريب. chaque fitna, chaque ابتلاء, الله سبحانه وتعالى il a promis هذا. patient, نصر الله لقريب. قال فبين الله سبحانه منكرا على من حسب خلاف ذلك أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم. وأنت كذلك. أنت كذلك. سجب الجنة. et on veut tous le jannah بإذن الله. فسيسا طريق الجنة الابتلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره الجنة هي entourée de مكاره celui qui veut rentrer فلا بد de ses épreuves لا بد فأنت هذا الابتلاء تحسن الظن بالله et un احتساب تحتسب tout ce تعب بإذن الله c'est pour rentrer في الجنة. قال أن يبتلوا مثل هذه الأمم مثل هذه الأمم قبلهم بالبأساء وهي الحاجة والفاقة تعب برد جوع خوف تسع تسع ابخوي بغ هذا. قال والضراء وهي الوجع والمرض ربما دي بليسيو ربما دي مالادي ساسو انتند كي و انتند بي. بعض المؤمنين يسو ابخوي جدا يتم مالادي لدي مالادي غراف يلي دائما يتعب كفارة للذنوب ورفع الدرجات سي لسانسير. قال وهي قال وزلزلوا والزلزال وهي زلزلة العدو. صحيح صحيح الزلزال سي كلكو شوز كي تخوب احيانا العدو في تخوب للمؤمن ربما يناتاك ربما دي تير ربما لكن المؤمن يباسيونتي سا باس. قال فلما جاء الاحزاب عام الخندق فرأوهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. تأمل التدبر كيزون في القرآن سورة البقرة اللي تدسنجو سو فيرسي اللي كونسي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم إلى آخر الآية ils connaissaient ce verset. Quand les Ahzab ils sont venus, ils se sont rappelés de ce verset et ils ont compris que ce que Allah subhanahu wa ta'ala il avait dit, ils rentreront fil jannah, lakin après être éprouvés, quand ils ont vu les Ahzab, ils ont su que c'était ça l'épreuve. Tadabbur lil Qur'an. Ta'ammul. Ils lisaient le Qur'an ou yafhamoun. Et ils étaient sincères ou ya'lamoun et ils faisaient des efforts hatta ils sont arrivés à ce niveau. Al-an, ils sont arrivés une fitna. Les Sahabi réfléchissaient avec le Qur'an. Ils n'ont pas dit mais pourquoi, comment, si, abadan. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, comme a dit Allah Azza wa Jalla, "Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu." Qu'est-ce qu'ils ont dit? "Hadha ma wa'adana Allah wa rasul." Allah nous avait promis ça, là on patiente. Haqiqa al-an, c'est le bon chemin. Le bon chemin, cette épreuve après cette épreuve, inna Allah yuradu khayr. Fali hadha, quand c'est fini, sourate al-ahzab, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à Al-Kuffar, ils nous ont attaqué. Al-An, c'est nous qui va attaquer. Al-Nabi, après l'Ahzab, il n'a pas arrêté d'attaquer jusqu'à sa mort. Il ne s'est plus fait attaquer. Abadan. L'épreuve, elle est passée. Al-Izzah, elle est venue. Nasr, elle est venue. Nabi, après l'Ahzab, il y a eu beaucoup de raisons. Minha, Al-Hudaybiyya, Fath Mekka. Ou Minha, Hunayn. Toutes ces raisons. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est mort, Abu Bakr il a continué, il a combattu le Murtaddi, il est mort Abu Bakr, Omar il a continué, il a ouvert beaucoup de pays, jihad l'Irak, jihad l'Sin, Uthman Ali, hatta هذه الدولة دولة الإسلام du Maghreb jusqu'à l'Indonésie jusqu'à الصين إلى آخره. الآن نغزوهم قال النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا حسن الظن. الإيمان في عجائب. الإيمان صافي دي عجائب celui qui a la tabac. مع أن هؤلاء ils n'avaient pas les armes qu'ils ont العدو ils n'avaient pas le nombre. لكن الله les أنصر. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. Ils ont su que cette épreuve, elle vient. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, il les a informés. Kadhalik, ils ont un husnud dan wa sadaq Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit vrai. Et son messager. Qala wa alimu anna Allah qad ibtalahum bil zilzal. Aïbihi bil adu. Qala wa ataahum mitla alladhina khalaw min qablihim. Naam. Comme akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, ta'lamoun anna wa'ad an-nas, il se faisait éprouver son din, il se fait couper en deux, bil minchar. Cette épreuve est par rapport à notre iman daïf. Les peuples qui étaient avant nous. C'est un mu'min, il veut rester sur son din. Il vient avec une scie et il lui pose sur la tête. Imma il laisse son din, imma il le coupe en deux. Il reste sur son din, il patiente. Hatta il le coupe en deux. Hakada as-sabr al-iman. Mais nous, Allah, on est fait khayr. L'adou, il est à 20 km, de temps en temps, il tire quelque chose, Rubama, il ne dort plus après had. Nous, on est fait khayr. Tu es dans tes amakens, il tire, après, tu es fait khayr. Tu as tes doros, tu manges, tu. Allah, on est mazal, on est fait khayr. Jitten. Jitten. Ba'dannaz, ils ont eu des épreuves. Al-haqiqa, c'est dur à patienter. Mais nous, on est prouvé par rapport à notre iman da'i. On a Allah, subhanahu wa ta'ala, al-thabat. Qala. وأتاهم مثل الذين خلوا من قبلهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لحكم الله وأمره هذا cette épreuve elle leur a rajouté du iman. C'est ça الصحابي هكذا une épreuve elle leur rajoute de l'iman. المنافق vous avez vu son cas, l'épreuve, il veut se sauver, il a un sou الظن وبعضهم il veut revenir au kufre وبعضهم المؤمن خاصة الصحابة قال الله عز وجل وما زادهم إلا إيمان وتسليما. العدو il veut leur faire du mal. Blocus. Ils sont en garde nuit et jour. Il fait froid. La faim, ça lui fait monter son إيمان. قال وهذه حال أقوام في هذه الغزوة. قالوا ذلك. نعم. À l'époque de l'islam, من المؤمنين. Certains ils avaient un iman qawi et ils ont dit hada. Dès qu'ils ont vu l'ahzab, dès qu'ils ont vu cette fitna, ils ont dit hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Ils ont pris exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa nahnu kadhalik. Ce blocus l'an, ce i'tida, ce dhulm, hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Allah il nous a informé bi hada. Si tu veux rentrer dans le jannah, tu seras éprouvé. Mais nous, on veut rentrer dans le jannah, on fait des efforts. On apprend le Coran, on apprend le Sunnah, on apprend le Tawhid. Bi-idnillah, on a délaissé Bilad al-Kufr et on est venu dans ce makan. Que pour ça, bi-idnillah azzawajal. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve. Si on patiente, on aura ce qu'on veut, bi-idnillah azzawajal. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala. وكذلك قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه إلى آخره قال أي عهده الذي عاهد الله عليه فقاتل حتى قتل أو عاش نعم وبعضهم يزت على هذا إما نصر إما موت هكذا حال المجاهدين إحدى الحسنيين على خير فإن دي دو إما تفيفغا بإذن الله تفيغا النصر avec tes yeux تفيغا الخير. On l'a vu le premier Hizar. Il y a des frères, ils sont morts. Ils sont à la khayr. Et ceux qui sont restés, ils ont mis le nasr avec leurs yeux. Et une autre épreuve, elle est venue. Des frères, ils sont morts. Inch'Allah, ils sont à la khayr. Ceux qui restent, ils sont à la khayr et ils verront le nasr avec leurs yeux. Hakada le mu'min. Comme on dit, l'Avis ajaban li amri le mu'min. Son amri li ajib. Dans les deux cas, il est à la khayr. Mais le kafir ou le munafiq, sallallahu alayhi wa sallam. Dans les deux cas, il est à la khayr. Il prend le dessus, c'est un ibtila pour lui. Il croit qu'il est à la chaye et meskin, c'est un istidraj, minallah. Il se fait tuer les vinnars. Qala, Cheikhul Islam, wa minhum man yantadir. Naam. Qala Azza wa Jal, on répète le verset, minal mu'minin rijal sadaqu ma'adul alim, fa minhum man qadha nahbah. Parmi les mu'minin, il y en a, ils sont morts. Qadha nahbah. C'est fini. Fi dunya, al-an, bi-idnillah, s'il est mort, fi zabilillah, il a l'ajr al-adhi. Un autre groupe de mu'min, wa minhum man yantadir. Et des autres, ils attendent. Ils attendent, Nusra ou Maut. قال شيخ الإسلام قضاءه إذا كان قد وفى الوعد فهو ينتظر تمام العهد. قضاء الله. Allah, il a décrété que Fulan, il allait mourir. Et un autre, Kedalik, il allait mourir. Un troisième, un quatrième. Et les autres, ça sera la prochaine fois. Imma en guerre, imma autre chose. Imma une maladie. Imma la boud al-mout. قال شيخ الإسلام السيد قول الله تعالى ليزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما هذا سقضاء الله ليزي الله الصادقين toute cette épreuve الآن الأحزاب كذلك l'épreuve qu'il a eu sur l'islam كذلك l'épreuve qu'on a eu et toutes les épreuves c'est ça le but ليزي الله الصادقين بصدقهم il y a des gens ils seront récompensés من الصادقون قال عز وجل ليزي الله الصادقين Il avait du sidq, il combattait l'Illah. Il avait du sidq, il avait un iman qui est fondé sur Tawhid. Il avait du sidq, il n'était pas injuste. Hada, sadiq. Hada, il aura le jazab. Qal, wa yu'adhib al-munafiqin. Kadalik al-munafiq. Le munafiq, Cheikh l'Islam, il a détaillé son cas. Il aura le jazab, s'il meurt à l'annifaq. Kadalik al-kafir. Un autre groupe, qal, incha'a, si Allah il veut. Les anna-ha'oula, ils peuvent faire tawba. Abu Sufyan, maintenant Il faisait partie des têtes de Quraysh qu'on fait le blocus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tab alayhi. C'est devenu un grand sahab. Hada Allah, il fait ce qu'il veut. Rabbama mujrim. Il fait du mal à l'islam, il fait du mal aux muslimines. Comme Allah, il le guide. Ça devient un allié. Ça devient un allié de Rasul alayhi wa sallam. Un wali min awliya illah. Ta'amal le cas de Khalid ibn al-Walid, de Abu Sufyan, radiyallahu anhu. أو يتوب عليه من الله كان غفورا رحيما من صفات الله سبحانه وتعالى أنه غفور وأنه رحيم يفسكيب قد يتوب على واحد كتأنن من الإسلام كم سأغيب عليه كم سأغيب متنو الله يفسكيب قال بين الله سبحانه أنه أتى بالأحزاب ليجزي الصادقين بصدقهم حيث صدقوا في إيمانهم نعم سسا أهم صدق في الإيمان que ce iman soit fondé à la tawhid La personne, wal'iyadu billah, il n'a pas plusieurs visages. Un jour, ma'al mu'minin, un jour, ma'al kuffar, un jour, là. Il est sadiq fi imani. Et ce sud, ça pousse à faire des sacrifices. Labud. Labud min al-tadhiya. Qala, kama qala ta'ala, innama al-mu'minun al-lazina amanu billahi wa rasulihi, thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus sadiqun. Naam, il les a décrits fi hadhihi al-aya. الإيمان بالله وبالرسول sans شك لم يرتابوا أي pas de شك وجاهدوا ils ont fait le jihad بأموالهم وأنفسهم نعم الجهاد tu peux le faire بالنفس si t'es dans le ma'raka كذلك les personnes qui sont loin ils peuvent faire le jihad il aide le mujahidin il aide le mujahidin بالدعاء بالمال avec ce qu'il peut فهكذا حال المؤمنين قال شيخ الإسلام فحصر الإيمان في المؤمنين المجاهدين وأخبر أنهم هم الصادقون بقولهم آمنا لا من قال كما قالت الأعراب آمنا والإيمان لم يدخل في قلوبهم بل انقادوا واستسلموا نعم ثم قال شيخ الإسلام إلى ستة الفرسي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا تأمل إلى كلوتوري الفرسي بهذا سدو اسم القوي والعزيز هل قوي في سكيف العزيز كذلك إلى العزة المطلقة tout ce qu'il veut ça arrive s'il veut pas une chose elle arrive pas الله سبحانه وتعالى il a voulu أن المؤمنين يكوبطوا المؤمنين يكوبطوا et il a voulu humilier العدو بالريح برد شديد ils ont fait demi-tour pas de قتال الله il est قوي il est عزيز قال شيخ الإسلام فلما ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدو جزاء منه وبيانا أن النية الخالصة والهمة الصادقة ينصر الله بها شوف للنصر اللي هو سو كومباتر ça montre أن هذا النصر للسبب كما قال شيخ الإسلام سنية الله سبحانه وتعالى لعليم هكذا نحن هكذا on doit travailler beaucoup هذا الجانب أكثر من غيره Prendre les asbab, niveau armement, niveau creuser des tranchées, c'est muhim jiddan. Aham min, travailler hadal janib. Travailler hadal janib. Anna, souvent tu te remets en question. Tu vas en faire ça, remets-toi en question. Pourquoi j'y vais? Il y a quelque chose, tu te déplaces, remets-toi en question. Hatta, inshallah, tes mouvements, c'est l'illah. c'est lillah. Tu fais ça lillah. Tu fais pas ça mujarrad pour ton neuf. Tu fais ça lillah. Et bien sûr, pour préserver ibadallah al mu'minin. Qala wa in lam yaqa al fi'l wa in tabadat al diyar. Tam. Hatta nos frères mu'minin, hatta s'ils sont loin, ils peuvent aider. S'il a une bonne niya, il est sadiq et il fait du'a, wallah il t'aide jiddan. فلهذا ننصح الجميع بالدعاء. قال وإن تباعدت الديار وذكر الله أن فرق بين قلوب هؤلاء المغول والكرج أي التتار وألقى بينهم تباغضا وتعاديا كما ألقى سبحانه عام الأحزاب بين قريش وغطفان وبين اليهود. نعم هكذا سنة الله في خلقه. quand ils se sont rassemblés pour faire du mal au prophète عليه الصلاة والسلام الأحزاب. Il y avait Kuffar Quraysh, il y avait des tribus arabes, il y avait les Yahoud. Thumma, eux, ils ont fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour à cause du verbe. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après, il a envahi Bani Quraïda. Les Annahoum, ils ont rompu le pacte. Kuffar Quraysh, ils les ont délaissés. Et l'arabe, tout le monde est retourné dans sa tribu, ils ont laissé les Yahoud tout seul. Hakada. Thumma, les Yahoud, ils en ont voulu aux autres. Ils en ont voulu aux Kuffar. Entre eux, il y a eu des problèmes. Hakada, nasallahu subhanahu wa ta'ala, an yushattid bayna ha'oula. وأن يجعل بأسهم بينهم بين الروافض. قال كما ذكر ذلك أهل المغازي فإنه لم يتسع هذا المكان لأن نصف فيه قصة الخندق. نعم حقيقة سكون لو سكلا سيت شيخ الإسلام زي مختصر c'est مختصر celui qui fait التوسع il revient au livre de سيرة كبداية والنهاية لابن كثير و السيرة لابن هشام ces livres ils sont موسع في السيرة et ils ont cité سورة الخندق أو غزوة الخندق en détail. أما شيخ الإسلام il a résumé ونحن on a résumé encore plus. في الحقيقة نحن c'est من باب des فوائد par rapport à ce qui se passe et savoir أن ce qui te touche من بلوى il y a des gens qui t'ont précédé à l'époque شيخ الإسلام à l'époque de الصحابة l'imam Ahmed ce qu'il a subi وغيره كذلك à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام on a un exemple غزوة الخندق كذلك à l'époque de Moussa مع فرعون كذلك à l'époque de Ibrahim ils ont essayé de le brûler vif وهكذا نوح avec son قوم فنحن المقصود c'était هذا de فوائد في هذا الباب لأن ce qu'on vit on a besoin de mitl هذا. فلهذا نحن نكونسي لفقير حتى avec ce qui se passe de donner du temps au علم de donner réviser مسائل العقيدة faire beaucoup de ذكر réviser le Coran وهكذا. et quand il y a une حاجة حراسة أو دعمل فلا شك أن في هذا الحال نقدم العمل والحراسة لكن في الحقيقة on a toujours une heure une demi-heure un quart d'heure فنستفيد on limite هذه الرسائل بإذن الله عز وجل يحصل خير. فعلى كل حال النصر إلي من عند الله لا نغتر بكثرة ولا بفلان لا بفير ولا بفلان لا ببوجي ولا فلان لا دي ما نحن لا نبالي نحن نثبت رضا الله سبحانه وتعالى celui qui fait un bien il le fait لنفسه c'est pas nous بالحقيقة نحن بإذن الله on a يقين أننا on aura le dessus celui qui veut faire du bien il le fait et son nasr il sera avec fulan ou sans fulan. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nassr al-ibad. Amma celui qui veut faire du khayr, il le fait li nafsi. Wa at-takhadul, c'est haram. Takhadul, c'est haram. Al-khudlan, c'est adam al-nusra ma'a al-qudra. C'est ça al-khudlan. Une personne, il peut aider son frère, il a la capacité et il ne le fait pas. Et il ne le fait pas, imma li-hiqd, la jalousie, imma jubn, imma min hadhi l'humour. Hada la yadur illa nafsa. Et mitl ha'oula, s'il ne sert pas son frère, à l'aqal, il ne fait pas de mal. أما بعض الناس لا ينصر في جمال بكلامه حقيقة في جمال كلمه أما عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين يصبرون ولا يبالون ils ont vu plus que ça فهذا فالصبر والثبات كذلك on rassure les familles ربما ils entendent هذا الكلام on les rassure أننا on est في خير et on est في عافية ولله الحمد. الحقيقة il n'y a pas raison de s'inquiéter كثير لا شك أن les parents les proches ils s'inquiètent يسمعون كلام إلى آخره لكن الحقيقة on est في خير et celui qui veut aider il aide بالدعاء هذا il aide بالدعاء il fait الدعاء et il essaye de connaître القوم Il essaye de savoir ce qui est le Qawm. Ils ne savent pas c'est quoi le Rawafid. Ils ont une image, c'est des conflits entre sunnites et chiites. Ils font des conclusions, vous êtes tous des frères, vous êtes tous des musulmans, arrêtez de vous battre. C'est pas ça, Bethan. C'est pas ça. Awalan, les Sunna, ils sont opprimés, madloumou. C'est pas eux qu'ils ont attaqué. Thaniyan, si tu connais Aqidat al-Qawm et tu connais Manhaj Ha'oula, tu ne vas pas être étonné. Min hadi al-Adawa. Ha'oula, ils ont tué des centaines de Hujjaj. Ta'lamou, la fitna qu'il y avait eu dans le haram. Ils ont tué des centaines de hujjaj, des awam, des masakines, des muslimines qui ont fait le hajj. Ils sont venus des rawafid et ils ont tué kathir minhum. Ils ont pris Hajar al-Aswad, hatta la pierre noire, le Kaaba, ils l'ont prise. À l'époque, ils n'ont pas de rahma. Ils n'ont pas de rahma. Bah, les muslimines, ils ignorent ce groupe, al-rawafid. Allez, on conseille les frères qu'ils ont des connaissances, ou ils ont des traductions, ou ils ont des livrets, et ils les propagent. Hatta an-nas ya'lamoun hal haoula. Mais nous, on est bien. Nous bashir an-nas anna al-adou il est haqir jiddan. Wallah, on lui donne aucun point. On est prouvé min Allah, faqat. Et on attend. Hatta ya'ti nasrullahi azza wa jal. Et bien, idnallah, une des prochaines kalimas qu'on fera, si on a le temps de préparer, ça sera sur ce groupe. Khazadan al-Houthiyin, on en avait déjà parlé marra, lakin avec les événements on n'avait pas eu le temps. Idnillah, la prochaine kalima qu'on fera, ça sera sur Ha'oula. Et on préviendra les frères. Ma'adhan la ghadalla, on verra, on avancera un peu dans notre livre, Taqrib. Thomas, d'ici 2-3 jours, idnillah, on fera sur une kalima sur Ha'oula al-Houthiyin. Nas'alullah. سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه وفضله أن ينصرنا على هذا العدو إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين